Nous sommes mardi et il est actuellement 21h. Vous écoutez le nouvel explorateur sur Radio Fadjet. Malheureusement, l'exposition sur l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas n'aura pas lieu. Cette exposition est reportée. Je vous tiendrai au courant si j'ai des nouvelles. Et maintenant, nous allons débuter une nouvelle série sur un nouveau pays. Ce pays, nous le découvrirons en cours d'émission. Mais tout d'abord, nous écouterons une musique anglaise, une française. Ensuite, ce sera une musique italienne. Et à la fin, ce sera une musique allemande. Et maintenant, écoutons la musique de Dave qui s'intitule Funky Friday. C'est maintenant sur Radio Fadjet dans le nouvel explorateur. Game. At this age, how are them man still hating? My young boy in a different country, but he ain't never been on vacation. One hand on a girl I'm dating, one hand on the cash I'm making. We come through like Funky Friday and have all your man them skating. I came in 550 on trainers. I look girl amazing, could be Bayesian, Trini or Haitian. She got a bag with flowers, if the trainers match I'll take it. Me and bro just shut down Gucci, had the whole of the shop floor waiting. Who's that girl in a line with a big behind us looking all tempting? If her friend is a dead thing, take one for the team with a brethren. Two paintings at the entrance, want attention, but a man can't let them. She must think I'm a reverend, you ain't coming here getting redemption, no way. At this age, how are them man still hating? My young boy in a different country, but he ain't never been on vacation. One hand on a girl I'm dating, one hand on the cash I'm making. We come through like Funky Friday and have all of your man them skating. I see them man skating now, I'm talking about running their legs. My youngin's in country plugging a Z, he can't even butt me till nothing is left. I flood in my right, I flood in my left. I'm ducking your wife, I'm ducking the feds. The bell on the trap is buzzing again, but still I ain't trying to get busted by feds. Look man, I ain't caught the bus in a sec, it's me and my Rambo cutting through West. The way that I went and just flooded my neck, I'm shocked that I ain't got a struggle for breath. When me and the missus be going on dates, she's holding a dipper, I'm holding her waist. Just see some pigs moving low in the main, so I phoned up my nigger and told him to play. I don't wanna cuddle in HUG, and I'm still shopping in HMV for all of my niggas in HMP. Heard you got a girl going DMU, if I DM'd you, would she DM me? Young black brother, I'm a stylish G, man, I put the IC in IC3. They tell me I'm gifted and rep, nothing was nice just to live in a trap. Now if I go ask that chick for a snap, I could bet money she's giving me that. I'm always in Harrods, I'm filling a bag. Them niggas ain't winners, them niggas are mad. Get like my vid and them bitches are bad. They get picked in the foreigns and ditched in the cab. Game. This age, how are them man still hating? My young boy in a different country, but he ain't never been on vacation. One hand on a girl I'm dating, one hand on the cash I'm making. We come through like Funky Friday and have all your man them skating. C'était Dave pour Funky Friday sur Radio Fadjet dans le nouvel explorateur. On en retourne pour la deuxième musique de l'émission. C'est Vanessa Paradis et M pour La Scène. Et c'est maintenant. Elle sort de son lit, tellement sûre d'elle. La scène, la scène, la scène. Tellement jolie, elle m'en sorcelle. La scène, la scène, la scène. La scène, la scène, la scène. Tu n'es pas sourd, Paris est sourd. La scène, la scène, la scène. Je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi nous sommes comme ça. La scène et moi. Je ne sais, je sais, je sais pas pourquoi on sommes comme ça. La scène et moi. La scène et moi. Merci, merci, merci. C'était la scène de Vanessa Paradis et M. Je vous dévoile maintenant le pays que l'on étudiera, la Suisse. Rendons-nous dès à présent dans la Suisse romanche, c'est-à-dire la Suisse qui parle français, dans la ville de Neuchâtel. Et on va voir ce qu'il y a à faire dans la ville de Neuchâtel. À Neuchâtel, ce que vous pourrez faire à Neuchâtel, visiter le musée de l'ethnographie. Il y a aussi le Muséum d'Histoire Naturelle. Vous pourrez aussi faire une croisière sur le lac de Neuchâtel et prendre le train touristique pour une visite guidée de la ville de Neuchâtel qui durera en moyenne 45 minutes. En avant tout, pour la troisième musique de l'émission, qui est italienne, c'est Fedez pour Problemi con tutti. Maintenant. Ad affittare il mio castello non diventi re, ma per carità faccio piovere sul tuo vino demodè. Non mi fotti neanche in caso tu rinasca me. Se medioevo non rinasci me, mania, tatuato in policromia. Ho le vele quindi volo come Scampia, troppo zucchero sotto la mia lingua. Vai via, vai via, vai via, maresciallo su via, quella roba non mia. Permette la domanda, è mai stato alla Diaz? Ok, non mi fido neanche della famiglia. Non bevo se è già aperta la bottiglia. Mi fanno le foto mentre muoio. Cristo, come devo fare? Io vorrei sentirmi solo qui. Per ogni giù don Gesù, non perdere tempo a salvarmi. Ho problemi con tutti. Problemi con tutti. Problemi con tutti. Per ogni giù don Gesù, per ogni bandito una macchina blu. Cattive, abrasive, ma dai, e mi fanno ridere. Senso facile con senso debole. Siamo tutti giochi di potere. Il tuo corpo sopra il mio parquet. Sei venuto, sono lacrime. Mi fanno le foto mentre muoio. Cristo, come devo fare? Io vorrei sentirmi solo qui. Per ogni giù don Gesù, non perdere tempo a salvarmi. Ho problemi con tutti. Problemi con tutti. Problemi con tutti. Per ogni giù don Gesù, non perdere tempo a salvarmi. Problemi con tutti. Problemi con tutti. Problemi con tutti. Per ogni giù don Gesù, per ogni bandito una macchina blu. C'était Fedez pour Problemi con tutti sur Radio Fudget dans le Nouvel Explorateur. Et maintenant, on va terminer par une musique allemande. Cette musique allemande, c'est, pardonnez-moi mon allemand, Gestor Abergale, fait Sebastian Hammer pour Ich et Du sur Radio Fudget dans le Nouvel Explorateur. Den Straßen aus Gold sind wir gefolgt. Nichts ist zu weit. Alles passiert und jetzt sind wir hier. Leuchten zu zweit. Alles laut, alles grell. Die Sonne brennt und macht uns hell. Wach, völlig losgelöst. Ich und du, wir reißen die Wolken auf. Ich und du, wir machen den Himmel blau. Hier kommen wir und uns hält niemand auf. Stratosphärensprung voller Zoom auf uns. Wir tanzen schwerelos. Alle schweben im Raum, der Beat wie im Traum. Ich und du. Ich. geht vorbei. Wir biegen die Zeit und alles, was wir brauchen, ist dieser Moment, wo alles beginnt, wenn wir im Sound abtauchen. Alles laut, alles grell, die Sonne brennt und macht uns hell. Wach, völlig losgelöst. Reißen die Wolken auf, ich und du, wir machen den Himmel blau. Hier kommen wir und uns hält niemand auf. Ich und du, Stratosphärensprung voller Zoom auf uns. Wir tanzen schwerelos, alle schweben im Raum, der Beat wie im Traum. Ich und du, Stratosphärensprung voller Zoom auf uns. Wir tanzen schwerelos, alle schweben im Raum, der Beat wie im Traum. Guest Art Abergale fait Seize Personnamer pour Isildjou, je vais te faire jet dans le nouvel explorateur. Et les amis, vu que là nous n'en sommes qu'à la 14e minute, ce qui est vraiment surprenant, eh bien je vais vous laisser avec une ou deux musiques qui n'étaient pas au programme, qui n'étaient pas prévues. Et on va d'abord commencer par une musique hongroise qui est Igiz Agzel, c'est de By Alex et Sleep, ainsi que Hero. Je rappelle, c'est Iggy Agizel de By Alex, de Sleep et de Hero, maintenant sur Radio Fajet dans le Nouvel Explorateur. A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok fa levél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el. Kékülös szex, nincs már helye, a szembarab, de küld el a lelke, a pillanatok széjjel szállnak, ami szép volt régen, most elszárad, szanajsz be, Martini rá, azt kéne, oh my god, nem vagyok gyenge, mondja, hogy menjek, küld el a lelke, de izgat a teste, ő hozzám passzol. Ő hozzám passzol, én hozzá. A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok fa levél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el. Soha nem lesz még egy, olyan ez a lány, szex illat vér volt, egy kis párnán, szétszúzott ajtó, ökölcsapás, soha megölni nem fog, így majd más. Szanadsz be, ébredni kár, reggel van, hol az éjjel már, hol a teste, nincsen egy szellem lépben, azt hittem ő volt, játszik az Isten, ő hozzám passzol, én hozzá, ő hozzám passzol. Én hozzá. A hangot küldöm el, a széllel már nem kell, az eső mossa szét, közben mennydörög az ég, sok fa levél zúgja el, hogy így hagysz el, hát így hagysz el. Zuhan a gép, veled utazom épp, nélküled nincs az ablakon pára, egyedül fekszem a hotel szobába. Túl deep ez az álom az ágyba, ordít a fájdalom, ez az ára. Behittem, hogy forever a love you, de most ki lesz ki a lágyúr, a szívem erre szátszú. C'était By Alex et Sleep ainsi que Hero pour Iggy Jag SL sur Radio Fadjet dans le Nouvel Explorateur. Nous en sommes à 18e minute, mais il est temps de vous laisser. Et je vous dis d'abord la ville que l'on étudiera la prochaine fois, qui est non plus une fois toutes les semaines, mais une fois par semaine, c'est-à-dire la semaine prochaine. Donc la ville que l'on étudiera la semaine prochaine, à votre avis, ça sera quelle ville de Suisse? Eh bien, ça sera la ville de... Décompte. 3, 2, 1. La ville de Berne, qui est la capitale suisse. Et il est temps que je vous laisse. Je vous dis donc au revoir, à la semaine prochaine. Et salut la famille.